à propos de l'apostasie qui est impliquée dans cette écriture. You see that when Jesus came, he died on the cross. Vous voyez, quand Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix, redeeming us from the filth, nous rachetant de la saleté, and the death that Adam had drawn us into. Et la mort que Adam a apportée. When Adam fell. Quand Adam est tombé. So when Moses goes to Egypt, alors, quand Moïse est allé en Égypte, he redeems Israel from Egypt. Il a racheté Israël d'Égypte. So she can finally be set free, go into the wilderness to worship God. Alors elle peut finalement être libre et aller dans le désert pour adorer Dieu. Wilderness of repentance towards the promised land. Désert de repentance en allant dans la direction du pays promis, which is the rapture for the church. Qui est l'enlèvement de l'Église. But in the wilderness there was a lot of falling, somebody. Dans le désert, il y avait beaucoup de chutes. You saw many of them made a calf. They worshipped a calf. Beaucoup d'entre eux ont fait un veau. Ils ont adoré un veau. That was apostasy taking place there. Qui était une apostasie qui prenait place là. Even speaking the apostasy of the faith from true worship of Christ. Même en parlant de l'apostasie de la foi depuis la vérité de la vraie adoration de Christ. That would happen to the church. Ce qui va arriver à l'église. They are worshiping a calf. Ils sont en train d'adorer un veau. They did many things. They were longing to go back to Egypt. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils étaient en train de s'ennuyer de l'Égypte. And the Lord killed a lot of them. They died in the wilderness. Et le Seigneur en a tué beaucoup et ils sont morts dans le désert. That was the first level of the apostasy. C'était le premier niveau de l'apostasie. That the Lord was speaking that would happen to the church. Dont le Seigneur était en train de parler, qui voulait arriver à l'Église. Let me bring you to the next level of the apostasy. Laissez-moi vous emmener à un nouveau niveau sur l'apostasie. When the Lord brought Moses. Quand le Seigneur a amené Moïse. And they reached close the land of Israel. Et qu'ils sont arrivés près du pays d'Israël. He brought him onto the mountain and showed him the land. Il l'a amené sur la montagne et lui a montré le pays. And said, "Look, that's the land that I promised these people." Regarde, c'est le pays que j'ai promis à ces gens, ce peuple. But he said, "These people, you see, as they get now to go to that land." Mais il a dit, ce peuple que tu vois, comme ils cherchent à aller dans ce pays. They will fall away. Ils veulent tomber. And when they fall away from me. Et quand ils se détournent de moi. On that they will turn my face away from them. En ce jour, je veux tourner ma face loin d'eux. Only a remnant will be able to stand with true faith. Seul un restant va être capable de se tenir debout dans une vraie foi. Now what does that mean to the church? Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'Église? How does that speak to the five foolish virgins? Comment ça nous parle des saints vierges folles and the five wise virgins. Et des saints vierges sages and the message that the Lord Jesus was speaking to this church. Et le message que le Seigneur Jésus était en train de dire à cette église. Now, the first level of the apostasy. Maintenant, le premier niveau de l'apostasie is the fall that you have seen in the church. C'est la chute que vous avez vue dans l'église. Darkness, homosexuals. Les ténèbres, les homosexuels, gospel of prosperity, évangile de la prospérité, the philosophies and different doctrines that don't stand up to holiness, les philosophies de différentes doctrines qui ne se tiennent pas dans la sainteté, the teaching that is short of the teaching of the Holy Spirit in the church, l'enseignement qui n'enseigne pas à propos du Saint-Esprit dans l'Église. But look at the next level. Regardez au niveau suivant. When finally Moses is standing on the hill and he has seen Israel, the promise where they're going to. Quand finalement Moïse est debout sur la colline et il a vu Israël, la promesse à travers laquelle ils allaient. That represents the revelation that the ten virgins received. Ça représente la révélation que les dix vierges ont reçue. That look, the bridegroom is now coming. Que regarde, l'époux vient maintenant. They can now see the land of the rapture. Elles peuvent maintenant voir le pays de l'enlèvement. But even there, que même là, there is apostasy. Il y a une apostasie. The five foolish virgins will not enter. Les saints vierges folles n'entreront pas. So there are different levels. Alors il y a différents niveaux. And that was spoken already in the Bible through prophecy. Et c'était déjà dit dans la Bible à travers les prophéties. You see it in 2 Timothy chapter 3. Vous voyez dans 2 Timothée chapitre 3. Now, I want to look at Deuteronomy chapter 31. Maintenant, j'aimerais voir dans Deutéronome 31. Verses 15 and 19. Les versets 15 et 19. And you see how Moses spoke a prophecy to the church. Et voir comment Moïse a dit une prophétie à l'église. Even through the five foolish virgins. Même à travers les cinq vierges folles. And the wise virgins. Et les vierges sages. Again, Deuteronomy chapter 31. Encore, Deutéronome 31. Verses 15 all the way down, somebody. Et suivant. It says, then the Lord appeared in the tent in a pillar of cloud. And the cloud stood at the entrance of the tent. And the Lord said to Moses, you are going to rest with your fathers. And these people will soon prostitute themselves with the foreign gods of the land they are entering. Hallelujah. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Alléluia. They will forsake me and break the covenant I made with them, and on that day I will become angry with them and forsake them, and I will hide my face from them, and they will be destroyed, and many disasters and difficulties will come upon them, and on that day they will ask, have not these disasters come upon us because our God is not with us? And I will suddenly hide my face on that day because of the wickedness by turning away to other gods. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux vont atteint, et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. This is a covenant people, Israel. C'est une alliance, peuple, Israël. A people that know the basics of the Lord. Des gens qui connaissent les bases de la loi. They know the covenant they have with the Lord, with Jacob. Ils connaissent l'alliance qu'ils ont avec le Seigneur, avec Jacob. Alléluia. Alléluia. And the Lord saw that as they were going to approach the land of milk and honey. Et le Seigneur a vu comme ils approchaient du pays du lait et du miel. They were going to fall away. That's the apostasy that I'm talking about. Qu'ils allaient tomber. C'est l'apostasie dont je suis en train de parler. And that's the prophecy. Et c'est la prophétie that Moses was speaking to the five foolish virgins. Que Moïse était en train de parler à propos des cinq vierges folles. That they would fall away even as they have seen where they are heading to. Qu'ils tomberaient même s'ils ont vu où ils se dirigent. Even after seeing the land of milk and honey. Même après avoir vu le pays du lait et du miel. Even after seeing the rapture near here, knowing that he's coming. Même après avoir vu que l'enlèvement est proche, sachant qu'il vient. Stepping out to wait on him with lamps. Sortant pour l'attendre avec des lampes, they would fall away. Ils veulent tomber. What a tremendous situation. Quelle énorme situation. And then, the book of Deuteronomy chapter 32. Et même le livre de Deutéronome chapitre 2. The song of Moses. Le chant de Moïse. I'll just read two verses. Je veux juste lire deux versets. Of the prophecy that Moses spoke to the church. Sur la prophétie que Moïse a dit à l'église. Even speaking to the five foolish virgins. Même en parlant des cinq vierges folles. Let's read verse 5 and verse 16. Verse 5 says. Lisons le verset 5 et le verset 16. Le verset 5 dit. And they have acted corruptly towards him. To their shame, they are no longer his children, but a warped up and crooked generation. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Verse 16 says, they made him jealous with their foreign gods, and they angered him with their detestable idols. Le verset 16 dit, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. That is essentially what the foolish virgins did. C'est essentiellement ce que les vierges folles ont fait. In the dying moments when they can see the land of milk and honey right ahead of them. au dernier moment, quand elle peut voir le pays du lait et du miel juste devant elle, they were not able to honor God with their bodies, to honor God with their work, with their lives. Elles n'étaient pas capables d'honorer Dieu avec leur corps, avec leur vie, avec leur marche. If they had honored God, si elles avaient honoré Dieu, they would have walked in the fear of the Lord, somebody. Elles auraient marché dans la crainte de Dieu. A trait that we see with the wise virgins. Un trait de caractère qu'on voit dans les vierges sages. Let us move on, precious people. Allons plus loin, précieux peuple. There was still a lot of prophecy that was spoken. Il y avait encore beaucoup de prophéties qui étaient dites. Towards this apostasy. À propos de cette apostasie. Jesus himself spoke in John chapter 5. Jésus lui-même a parlé dans Jean chapitre 5. Verse 43. Le verset 43. And he was talking to the church. Et il était en train de parler à l'église. Even about the apostasy that would hit the church. Même à propos de l'apostasie qui va frapper l'église. He said, il a dit, I have come in my Father's name and you do not accept me. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. This was directed to the foolish virgins, to the church that fails to enter. Ça s'était dirigé vers les vierges folles, vers l'église qui ne peut pas entrer. Alléluia. Alléluia. And this church, et cette église, even with the knowledge of Christ, même dans une connaissance de Christ, was not able to live according to this word. De vivre en accord avec cette parole that cleans with water, qui purifie avec l'eau, and being filled with the Holy Spirit, they were not available to Christ. Être rempli du Saint-Esprit, elle n'était pas acceptable pour Christ. And yet, the church that made the perfect bride, et maintenant, l'église qui a fait l'épouse parfaite, was able to live in the fear of the Lord, in the word, était capable de vivre dans la crainte du Seigneur, dans la parole. And so they could enter the rapture. Et alors, elles peuvent entrer dans l'enlèvement.